essentiel. Bonjour à tous, musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Bonjour à toutes, voilà donc il est 13h30, et bien voici le retour bien sûr de l'émission tous les mardis après-midi. Voilà, si j'espère que vous avez passé tout simplement très bonne matinée, puis ainsi bien vous allez continuer de passer l'excellent après-midi avec beaucoup de chansons différentes pour vous faire rappeler les chansons que vous aimez. Donc, eh bien, sans plus tarder, je vous laisse du côté des chansons. Et voici donc, eh bien, Bernard Lavilliers, puis juste après lui, Pierre Perret. Je m'enfuis.

on se déteste, y'a plus de magie, tant pis. Y'a des amours tendresses qui savent pardonner. Y'a des histoires de fesses ou de complicité. Les sanglots des violons, comme disait Verlaine, pleure sur ma chanson. Je veux quelqu'un qui m'aime. Mais toi et moi, quel amour, quelle histoire. Mais toi et moi, je ne peux plus y croire. Mais quel amour, mais quel amour tu veux. On ne peut pas bâtir sur l'eau, faire l'histoire sans les mots. Mais quel amour, mais quel amour tu veux. C'est pour nous la symphonie, ou 20 ou pas de symphonie. Mais quel amour, mais quel amour tu veux. Y'a plus de tendresse, on se déteste. Y'a plus de magie, tant pis. Mais quel amour, mais quel amour tu veux. Je sais pas que m'aimerais vraiment, qui avait envie d'un enfant. Mais quel amour, mais quel amour tu veux. Je voudrais une femme qui donne un reste en âme, une femme qui soit vraie comme on m'a pris. Arc-en-ciel. Voici donc Céline Dion et puis juste après Marc Lavoine. Il y a des jours comme ça où plus rien n'a de sens, où toutes les évidences sont à milieu de moi. Et plus je te regarde, plus je perds connaissance dans ce grand. Come on.

c'est ça. Voici donc Max, et puis juste après David Bowie. We'll be right back.

Jerusalem y Jayalami y Londolose Uhambenami Zunangishilana Jerusalem y Jayalami y Londolose Uhambenami Zunangishilana Daoyami, ay colana, buso a mi, au colana, kilo no lo sé, su hambenami, daoyami, ay colana, buso a mi, au colana, kilo no lo sé. Voici donc Patrick Bruel. C'est l'odeur du pain chaud, c'est mon père à côté, c'est mon premier vélo quand il me l'a donné, c'est ma mère attendrie qui joue son plus beau rôle à 4h30 à la porte de l'école. C'est Fredo qui m'appelle pour jouer au ballon, traîner dans les ruelles ou piquer des bonbons. Quand tous ces souvenirs se ramène dans ma tête, ils font battre mon cœur de douceur et de fête. À la santé des gens que j'aime, à leur bonheur, à leur plaisir, que je vais la peur. Empêche de sourire, que les parfums du sud s'envolent du côté de leur avenir, qu'il n'y ait que l'amour qui est fou, que famille chez vous ce soir. Réveillez les voisins. C'est l'amour en cadeau quand elle est dans mes bras. Et ça me rend plus beau puisqu'elle croit en moi. C'est cette petite main qui se perd dans la mienne et change mon destin en une minute à peine. C'est des musiciens fous qui jouent et qui m'entourent. C'est tous ces gens debout qui me crient leur amour. Quand tous ces souvenirs se ramènent dans ma tête, ils font battre mon cœur de douceur et de fête. À la santé des gens que j'aime, à leur bonheur, à leur plaisir. Que jamais la peur ou la peine ne les empêche de sourire. Que les parfums du sud s'envolent du côté de leur avenir. Qu'il n'y ait que l'amour qui les frôle, que des mots doux dans leur soupir. À la santé des gens que j'aime, c'est grâce à eux que moi je tiens. Ils sont mon eau, mon oxygène, toute la lumière sur mon chemin. Et à tous ceux qui sont partis un peu trop tôt, un peu trop loin, dans mon cœur vous êtes tous ici. On se retrouvera demain. Qui je cours recours. De Sydney à Cherbourg, au jour le jour, tout est de mieux. Pour éviter d'être un monsieur, j'ai mes folies, faute de mieux. Pour me punir, de me faire vieux, craque au bourbon, faute de mieux. Pour espérer que j'en veux, je vis ma vie, faute de mieux. Mais il y aura toujours celle après qui je cours, quitte à faire de demi-tour à mi-parcours. Mais il y aura toujours celle après qui je cours, pour un bonjour même à la bourre, faute de mieux. Il y aura toujours. Ce matin, par habitude, j'ai mis le couvert pour deux. Mon chemin de solitude s'allonge chaque jour un peu. Je me couche en diagonale pour occuper entièrement nos draps froids comme une dalle, nos draps trop grands à présent. Je te supplie de m'adresser d'après la vie, un signe que je te manque aussi. Je te supplie de me répondre même si personne ne répond d'ici, personne ne répond d'ici. La pluie tombe tout l'automne, le soleil brille l'été. Ces banalités m'étonnent, que tout puisse continuer et que le temps se déroule. Mon ruban de jours et d'heures, fleuve indifférent qui coule dans le lit de nos douleurs. Je te supplie de m'adresser d'après la vie, un signe que je te manque aussi. Je te supplie me répondre même si personne ne répond d'ici, personne ne répond d'ici. Sourd, car quelqu'un riait comme toi. Il ne faut pas m'en vouloir, je l'avais presque oublié, ce grelot, ce tintamarre qui dans tes rires tintait. Je te supplie de m'adresser d'après la vie, un signe que je te manque aussi. Je te supplie même si personne ne répond d'ici, personne ne répond d'ici. Arc-en-ciel. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-ciel. Bonjour à tous, musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute. On voici donc Michel Azolas, CP juste après lui, Donna Summer. Tu te mets le cambouis sur les mains, ou tu mets le cap sur les yeux. Une mauvaise note au destin, ou un bon point si c'est facile. T'es dans la rue, dans la ville. sentir sous ta peau un cœur au triple galop, dormir sur le canapé. Tes pleurs étouffées, loin des sursauts la nuit, quand tu entends des cris. Dans ma tête, c'est sûr, t'es comme un fruit trop mûr. Loin d'un temps suspendu où tout nous faisait rire, où mes mains sur ton cul te faisaient encore frémir et non pas regretter. Allant d'eau sans poupée, notre amour a filé ses beaux jours. Oh, j'aurais voulu t'offrir ton rêve américain. Voici donc Noé Wheeler. Et puis juste après, on écoutera tout simplement Captain Hollywood Project. Dans ta tête, tu es. worth anger left behind you. Just don't let it find you. Love will not remain as long as you complain. Vous avez pu entendre Frédéric François, la chanson pour l'amant de la chanteuse, et voici donc une de ses premières, la première chanson tout simplement, c'est Nat Alia, voici donc la première chanson. Entraîne n'importe où et que la route m'amène à vers toi que j'aime déjà. J'ai pris des sens interdits à des simples perlubis. J'ai souvent fait demi-tour pour trouver cet amour. Dans l'impasse des regrets, je me suis promené. Dans la rue du bonheur, j'y ai laissé mon cœur. T'es pas fallon, des milliards de secondes. Je cherche le chemin qui écrasera le tien. Alors j'avance. visage, mon cœur. Toi, tu existes vraiment. Hey, hey, hey. Et je sais que quelque part, c'est certain que tu m'attends. Juste en croisant ton regard, rien ne sera comme avant. Et ensemble, main dans la main, nous partirons demain. Dans la place des regrets, je me suis promené. Dans la rue du bonheur, j'y ai laissé mon cœur. La route est parfois longue, des milliards de secondes. Je cherche le chemin qui passera le tien. Alors j'avance. Voici donc Alexis Large et puis juste après Régis Fléchot. De base, je m'en fous de tout, mais là je pense qu'à toi et je deviens fou. Quand tu me réponds pas, je me sens seul sans toi. Je me sens mal sans toi. Et si tu t'en fous, s'il te plaît, dis-le moi. Car moi, mon cœur ne bat que pour toi. Je me sens seul sans toi. Je me sens mal sans toi. Et si un autre a pris ma place, s'il te plaît, dis-le moi. Sans toi, je suis mal. Sans toi, rien ne va dans ma vie. Sans toi, j'abandonne le navire. Sans toi, je suis mal. Sans toi je n'aime plus l'avenir. Sans toi tous mes rêves se déchirent. Et si mes rêves se déchirent quand je repense à toi, c'est que pour nous je voyais loin, je voulais tout pour toi. Je me sens seul sans toi. Je me sens mal sans toi. Et toutes nos promesses, dis-moi t'en fais quoi. Car moi tu vois, tout ça je n'oublie pas. Je me sens seul sans toi. Je me sens mal sans toi. Je te laisse mon dernier je t'aime, moi qui ne voulais pas. Sans toi je suis mal. Sans toi rien ne va dans ma vie. Sans toi j'abandonne le navire. Sans toi je suis mal. Sans toi je n'aime plus l'avenir. Sans toi tous mes rêves se déchirent. Sans toi tout se brise, tout se meurt, tout s'effondre. Autour de moi plus rien n'a de sens, je touche le fond. Avec toi je voyais le bout du tunnel, le bout de mes rêves. Maintenant c'est le diable qui m'appelle et ma peine qui me crève. Moi je voulais juste une dernière danse, juste une dernière chance de te dire à quel point notre amour était essentiel. Je rejoindrai les cieux si ton amour pour moi n'est plus le même dans tes yeux. Je donnerai ma vie entière pour être avec toi. Sans toi je suis mal. Dans ma vie, sans toi j'abandonne le navire. Sans toi je suis mal. tous mes rêves se déchirent. Sans toi je suis mal. M'échouer au creux de tes soupirs, m'envoler au fil de ton plaisir, au creux de tes bras, m'endormir. Je veux brûler mon âme, mon cœur, noyer mes yeux dans ton bonheur, me perdre dans tes flots de douceur et ne plus jamais avoir peur. Serre-moi fort dans tes bras, j'ai trop envie de toi. Comme ça, chanter notre douleur qui s'en va, rêver à l'amour, enfin là. Je veux mon été en hiver, apprendre ton corps et ses mystères, m'enivrer de tes ardeurs solaires, me baigner dans tes golfes clairs. Serre-moi fort dans tes bras, j'ai trop envie de toi. Voici donc Eddie Mitchell et puis juste après Garou. Décrocher les étoiles, faire s'entrouvrir la mer. J'aime les obstacles, les miracles, ça j'ai jamais souffert. Déplacer les montagnes, je te dis pas les travaux, je suis du spectacle, faut pas que je bâcle, mais le devis est trop chaud. Je t'aime un peu comme est bien dommage. Tout vient trop sage. Les rêves n'ont plus de repères.

extraña cada día, nena, ¿quién lo diría? Que de ti yo me enamoraría y que sin tu amor no viviría. ¿Cómo sabría que esto pasaría, que ibas a ser mía y que yo querría amarte por siempre? Mi niña bonita, mi niña bonita, mi dulce princesa. Me siento en las nubes cuando tú me besas y siento que vuelo más alto que el cielo. Si tengo de cerca el olor de tu pelo. Mi niña bonita, brillante lucero, de vida pequeña, la frase te quiero. Por eso mis labios te dicen te amo. Cuando estamos juntos, más nos enamoramos. Aquí hay amor. Mi niña bonita, aquí hay amor. Mi niña bonita, aquí hay amor, amor, aquí hay amor, amor, aquí hay, ay, ay, ay, ay, amor. En ese momento podrás sacar esta canción de tu cabeza. Chino y Nacho, mi niña bonita, Richie Peña. Tú y únicamente tú, mi niña bonita. Magna, esto es mi historia. Manate. Après ce titre, tout simplement, Franck Olivier écoutera juste après le portugais. Tout simplement la chanson portugais, ben on écoutera tout simplement Medina Mina. Du soir jusqu'au matin, le jour je suis sur les genoux, je n'en vois plus la fin. Mon cœur fait la nuit, la tic, la tic, la tic, la tic, la tic, la tic, le jour. C'est la folie à tous nos rendez-vous. C'est plus que l'amour, c'est de la folie. Quand tu me prends à mon cou, mon cœur fait la nuit. Attique, attique, attique, attique, comme le jour. Pedir, veio me dar atenção. viver. Finjo a vida inteira esta vermelha do amor. É top, top, top. Sempre que ele está doente, eu vou logo socorrer. Esta vermelha do amor. É top, top, top. Só para ir à casa dele, diz que está quase a morrer. Esta vermelha do amor. É top, top, top. Sempre que ele está doente, eu vou logo socorrer. Esta vermelha do amor. É top, top, top. Só para ir à casa dele, diz que está quase a morrer. A pedir para curar a sua dor. Quando-lhe dão o remédio, ele pede logo um beijo. Só assim é que fica melhor. Mas que sorte que eu tenho, é tão doce a Helena, minha nova enfermeira. Ela é linda de morrer, só para eu a poder ver. Finjo a vida inteira esta enfermeira do amor. É top, top, top. Sempre que ele está doente, eu vou logo. Esta enfermeira do amor. É top, top, top. Só para ir à casa dele, diz que está quase a morrer. Esta enfermeira do amor. É top, top, top. Sempre que ele está doente, eu vou logo socorrer. Esta enfermeira do amor. É top, top, top. Só para ir à casa dele, diz que está quase a morrer. Que chatice, pai. Estamos sempre a ligar. Que ele está doente, eu vou logo socorrer. Esta enfermeira do amor. É top, top, top. Só para ir à casa dele, diz que está quase a morrer. Esta enfermeira do amor. É top, top, top. Sempre que ele está doente, eu vou logo socorrer. Esta enfermeira do amor. É top, top, top. Só para ir à casa dele, diz que está quase a morrer. Faz a minha tensão subir. É que zomba, é me arrebenta. É cultura, é funaná. Ficar longe desta moda, meu amor, sem ti não dá. Vem, vem, vamos, vamos dançar. Oh yeah, yeah, yeah, yeah. Eu só quero, quero te amar. Oh yeah, yeah, yeah, yeah. O que eu mais quero é pular bem o teu corpo ao meu. E bem coladinhos com o meu desejo acender o teu. Vem, vem, vamos, vamos dançar. Oh yeah, yeah, yeah, yeah. Eu só quero, quero te amar. Oh yeah, yeah, yeah, yeah. Se tu sentires esta paixão tão verdadeira, vais querer ficar, ficar comigo a vida inteira. Esta moda dos beats andam, está por toda a gente a curtir. É a moda do roça, roça. E faz a minha tensão subir. Roça, roça que eu vou dar mil sonhos e mil prazeres. Dar-te o mar e dar-te o céu e tudo mais que tu quiseres. Vem, vem, vamos, vamos dançar. Oh yeah, yeah, yeah, yeah. Eu só quero, quero te amar. Oh yeah, yeah, yeah, yeah. O que eu mais quero é pular bem o teu corpo ao meu. E bem coladinhos com o meu desejo. ninguém segura mais esta paixão. Oi, oi, oi. Dança bem perto de mim. Ai, ai, ai. Não tem nada que enganar. Oi, oi, oi. Vem dançar juntinho a mim. Ai, ai, ai. Anda que eu vou te ensinar. Oi, oi, oi. Dança bem perto de mim. Ai, ai, ai. Não tem nada que enganar. Vou dançar até cair. Eu quero ter a noite toda para estar contigo. Vou dançar, eu vou curtir. Eu quero que tu vejas que sou mais que um amigo. Até madrugar, bem coladinho a ti. Vamos pegar de fogo ao coração. Ninguém me vai parar, agarradinho a ti. Ninguém segura mais esta paixão. Oi, oi, oi. Dança bem perto de mim. Ai, ai, ai. Não tem nada que enganar. Oi, oi, oi. Vem dançar juntinho a mim. Ai, ai, ai. Anda que eu vou te ensinar. De toi. toi je me sens mieux. Quand t'es pas là, je suis radieuse. Tu n'es plus là, je me sens mieux. C'est ta faute, tu vois. Je vais vivre sans avoir peur de mon passé. M'épanouir, car le mal s'en est allé. J'irai chercher le bonheur ailleurs. Tu n'as pas su m'aimer. J'irai chercher le bonheur ailleurs. Tu n'as pas assuré. Bye, bye, bye, bye, bye.

perdu tous mes repères. Je reste coincé dans ce monde. Je reste solitaire. Je décompte toutes les secondes. Au pays imaginaire. Attiré par ce monde dans ma grisaille. De mes cendres, je revis, détruit, anéanti par la folie. Je reviens, disparais, je disparais et apparais. Je m'éclipse à tout jamais, car tu es. Et je n'ai rien pu faire de toutes mes envies. J'ai perdu tous mes repères. Je reste coincé dans ce monde. Je reste solitaire. Je décompte toutes les secondes au pays. Imagine, car tu es parti. Je n'ai rien pu faire de toutes mes envies. J'ai perdu tous mes repères. Je reste coincé dans ce monde. Je reste solitaire. Je décompte toutes les secondes. Au pays imaginaire. Car tu es parti. Concert fini, j'arrive à mon hôtel pour passer la nuit dans un grand lit sans ciel. Comme tous les soirs, j'attends un signe de toi. Quand sur mon écran soudain j'aperçois un texto d'amour, un message que ton cœur me laisse comme un dernier bonheur du jour, un SMS tendresse, un texto d'amour pour ensoleiller ma solitude, pour mon retour. Des mots d'amour, où que j'aille chanter, c'est ta pensée qui vient me réconforter lorsque je suis trop loin. Et c'est comme un signal qui vient briller. Même sans étoile, même sans été, un texto d'amour, un message que ton cœur me laisse comme un dernier bonheur du jour, un SMS tendresse, un texto d'amour pour ensoleiller ma soeur. Pour mon retour, le doux prélude de tes mots d'amour. texto d'amour pour ensoleiller ma solitude, pour mon retour, le doux prélude de tes mots d'amour, de tes mots d'amour, ton message d'amour. N'oublie

tasse matinée, fini le taf, caféine et jus des cocktails, ambiance alizée, saveur vanille, chaleur d'été, mon optimisme, sous les palmiers, douceur subtile, tâche au Brésil, en un instant, je t'ai tout plié, je veux du soleil dans ma vie, de l'amour dans mes nuits, des sourires, des envies, la couleur dans ses gris, je veux du soleil dans ma vie, de l'amour dans mes nuits, des sourires, des envies, la couleur dans ses gris. 1, 2, 3, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, c'est décidé maintenant, je me laisse aller. De tête. Stop! Arrête de me prendre la tête. Laisse-moi respirer. Laisse-moi profiter. Stop! Ça sert à rien que tu t'embêtes. Stop! Je suis là pour faire la fête. Laisse-moi m'évader. Laisse-moi, je vais danser. 1, 2, 3, why? Oh, oh, oh, why? Oh, oh, oh. C'est décidé maintenant, je vais me laisser aller. Bon, voici donc Crazy, puis juste après lui, ça sera Amandine Bourgeois. Chérie Coco, chérie Coco, t'es ma gogo, t'es ma coco, t'es la plus fraîche à ma photo, t'es mon moteur, t'es ma moto. Hey. Chérie Coco, t'es ma gogo, t'es ma coco, t'es la plus fraîche à ma photo, t'es mon moteur, t'es ma moto. C'est ma guapa, c'est ma beauté, dans son oreille je me chuchote, faire le zoubi, la pelote, je vais tout donner, cœur endetté. Elle est coquine, elle est coquette, elle est pas bête, elle est parfaite. J'aime prendre soin d'elle comme un moto, comme mes pesos, comme mes euros. Hey. Chérie coco, t'es ma coco, t'es la plus fraîche à ma photo, t'es mon moteur, t'es ma moto. Hey. Chérie coco, t'es ma coco, t'es la plus fraîche à ma photo, t'es mon moteur, t'es ma moto. On est précis, on investit, gros de croco, le ciel est bleu, le cœur est gris, je suis un foufou, je suis un loco, je veux la momo dans la popo, j'en veux beaucoup, pas une popo, joue à bibi, pas au loto, la vie en bleu dans le rétro, y'a les giros, y'a la popo. Hey. Chérie coco, t'es ma coco, t'es la plus fraîche à ma photo, t'es mon moteur, t'es ma moto. Hey. Chérie coco, t'es ma coco, t'es ma coco, t'es la plus fraîche à ma photo, t'es mon moteur, t'es ma moto. J'aime la Dolce et la Noche, j'aime les zéros mais en ocho, j'peux pas tout dire, j'vais la choquer, tu penses à moi, j'pense à autre chose. J'aime la Dolce et la Noche, j'aime les zéros mais en ocho, j'peux pas tout dire, j'vais la choquer, tu penses à moi, j'pense à autre chose. Chérie coco, t'es ma coco, t'es la plus fraîche à ma photo, t'es mon moteur, t'es ma moto. Chérie coco, t'es ma coco, t'es la plus fraîche à ma photo, t'es mon moteur, t'es ma moto. Pas de silence, ce bruit qui siffle me rend sourde. Mes yeux se vident, ça m'éblouit, mes cheveux tombent, mon corps est lourd. Y'a trop de bordel sur mon étoile, toutes ces années que je la trimballe. Je veux faire une pause, oh je veux faire une pause. J'ai peur de rien. terre, je suis nu. Déraciné, je ne veux pas tomber. Tout autour nos amis assommés. Et moi seul au milieu de la pluie. Ton regard qui s'envole comme un cri. Je deviens sourde mais je ne veux pas tomber. Je ne vois plus rien, je ne sais même pas quitter. Si t'es parti ou bien encore ici. J'aimerais aimer plus fort qu'un incendie. Y'a trop de bordel sur mon étoile. Toutes ces années que je la trimballe. Je veux faire une pause, oh je veux faire une pause. J'ai peur de rien. Bienvenue,

5 minutes. Voilà donc, eh bien, l'émission se termine. On se retrouve donc, eh bien, vendredi. Toujours à la même heure. Et puis, on se retrouve aussi dimanche. Pareil, à la même heure. À partir de 13h30, mais avec l'accordéon. Voilà donc, eh bien, je vous dis bon temps à tous, à vous toutes. Et puis, d'ici, à partir de 19h, oui, 19h, eh bien, vous allez retrouver Christophe, tout simplement. Et donc, voilà. Eh bien, je vous dis bon temps à tous, à vous toutes. Si une chaîne avait relié invisiblement nos poignets, le jour où nous sommes nés. Alors si tu coules, je coule aussi, et je tiens bien trop à la vie pour que ça puisse être permis. Personne n'a jamais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Arc-en-ciel, la radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Et où courez-vous? Faire de bonnes affaires. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un show de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez, appréciez et consommez avec modération. Établissement Marionneau, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémoy. Téléphone 02 38 22 12 22. Coucou, tu viens au festival? Oui, tu viens au festival ou pas? Hey, un festival? Mais quel festival? La Ronda Minota. Festival annuel du groupe folklorique Ronda Minota aura lieu le samedi 15 et le dimanche 16 juin prochain. Alors, maintenant, dites-moi quel est le programme. On va danser, il y a du monde, il y a des groupes de Paris, il y a des groupes et on va bien s'amuser. Je combien bacalao amour. Pour la soirée du samedi 15 juin, l'association organise un grand repas. Bacalao con batatas amour. Et si tu veux venir, tu dois réserver. Réservation au 06 15 99 41 44. La soirée va être animée. Elle se poursuivra avec le bal traditionnel qui sera animé par... le groupe Capa Negra. Et l'artiste... Nelson Costa. Les festivités se poursuivent... le dimanche 16 juin. Le dimanche 16 juin. Festival folklorique avec la participation des groupes Rancho Casa dos Arcos, un groupe de Paris, Portugueses Unidos de Savigny-sur-Orge, Estrela Dourada de Versailles, et bien évidemment le groupe organisateur Lena Roubaix-Mirata. Et pour clôturer le festival, au bout de Cachetère. Rendez-vous le samedi 15 juin à partir de 19h30 et le dimanche 16 juin à partir de 14h pour le grand festival folklorique organisé par l'association Ronde Mignotte. L'événement aura lieu au 328 rue de Frédville à Saint-Jean-de-Bray. Ils vous attendent, allez les soutenir. L'atelier Papille à Fleury-les-Aubrais. Vous cherchez du pain de qualité? La boulangerie artisanale L'atelier Papille vous prépare chaque matin des pains de qualité. Fait maison à base de farine 100% française et des viennoiseries croustillantes. Profitez de l'offre 4 baguettes pour seulement 3 euros. L'atelier Papille, c'est aussi une restauration gourmande et variée. Savourez nos plats chauds, sandwichs, salades fraîches ou pizza. L'atelier Papille, au 73 rue André Dessau, sur la Nationale 20 à Fleury-les-Aubrais, en face de Norisco Pôle Technique, ouvert tous les jours de 6h30 à 20h. Pour votre santé, bougez plus. RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage à faire, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison aéroport. Location de chauffeurs avec ou sans voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous la vie et réservez chez RPG International. Par mail à rpg.international@orange.fr. Par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG International pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.international@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-international.fr. Elas devem contactar o gabinete da Ministra da Saúde para pedir ajuda. Antena 1 questionou o Ministério da Saúde sobre quando é que afinal será apresentado um plano de verão, se é que isso vai acontecer, e aguarda por esclarecimentos. Hoje ficou a saber-se que Portugal é o terceiro país da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico com menor número de internamentos motivados por condições clínicas como asma, doença pulmonar obstrutiva crónica e insuficiência cardíaca, graças à eficácia dos centros de saúde. Os cuidados de saúde primários tiveram em 2022 um desempenho de qualidade acima da média dos países da OCDE, conclusões adiantadas por um relatório hoje divulgado pela entidade reguladora da saúde. Portugal apresenta também uma redução significativa no número de internamentos evitáveis por diabetes. Entre os 25 países sob análise, Portugal foi o que registou o menor número de admissões hospitalares por hipertensão. Quanto ao acesso à saúde, o estudo refere que no final de 2022, 87% dos utentes inscritos nas unidades de serviços primários tinham um médico de família atribuído. Portugal é o sétimo país mais pacífico do mundo no Índice Global da Paz 2024. O país desceu uma posição face ao ano anterior.